Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Napoléon Lajoie, la première grande vedette du baseball majeur aux États-Unis. Il y a eu une particularité dans le cas de Lajoie, c'est qu'il a même remporté le championnat des compteurs de la Ligue américaine en 1901, avec une moyenne au bâton de 422. Alors, les expos rêveraient aujourd'hui d'avoir un joueur qui ferait ça, les aiderait sûrement. L'auteur Victor Lévy-Beaulieu à l'émission La vie quotidienne en avril 1977, toutes les équipes rêveraient d'avoir un Napoléon Lajoie dans leur formation. Plus qu'un bon joueur de baseball, Napoléon Lajoie a été l'un des plus brillants joueurs de l'histoire et la première grande vedette du baseball majeur aux États-Unis. De découvrir un jour une liste des cartes de baseball les plus dispendieuses qui se vendent aux enchères. Et la carte de Napoléon Lajoie pour l'année 1901, année au cours de laquelle il a gagné le championnat des frappeurs de la Ligue américaine avec une moyenne de 423. C'est une de ces 10 cartes les plus chères, les plus dispendieuses sur le marché. Probablement qu'aujourd'hui, à l'enchère, ça se vendrait autour de d'un demi-million de dollars. Dans le cas de ce Napoléon Lajoie, donc, ça a été sans doute un des sportifs francophones les plus en vue. Sinon, le plus en vue, en fait, au début du 20e siècle. Et bien qu'il ait fait surtout carrière aux États-Unis, comme je l'ai dit, disons que ses exploits étaient très suivis dans la presse francophone et la presse aussi anglophone à Toronto. Le professeur Claude Couture de la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, à l'émission Jour de plaine diffusée en 2004, pour nous présenter Napoléon Lajoie, ce géant oublié de l'histoire du baseball. Je reçois Pierre Lavoie, qui est doctorant en histoire à l'Université de Montréal, qui s'intéresse particulièrement à l'histoire des Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. On dit que Napoléon Lajoie, ça a vraiment été l'un des plus grands joueurs de baseball de l'histoire. Parlez-nous de ce joueur-là. Quel genre de joueur était Napoléon Lajoie? Bien, il est peut-être le plus grand joueur de cette époque à plusieurs sens. D'abord, c'est un grand homme physiquement. Pour l'époque, un joueur de 6 pieds 1, 200 livres. Aujourd'hui, il serait assez petit, en fait, mais pour l'époque, c'était un géant. On le surnommait parfois le Big Frenchman, justement. C'est aussi un joueur très important pour l'époque parce que c'est le moment où le baseball devient un divertissement de masse aux États-Unis. Et il va être une des premières vedettes de cette période-là. Ouais. C'est un joueur qui est reconnu pour sa politique. C'est un joueur qui excellait du point de vue défensif. On en parle comme étant le meilleur, sinon un des meilleurs joueurs de deuxième but de l'histoire des ligues majeures aux États-Unis. C'est aussi un joueur qui a établi des records au niveau offensif, donc ouais. des records de frappeurs qui tiennent encore à ce jour. Je vais être obligé de contredire M. Victor Lévy-Beaulieu. La moyenne qu'on lui attribue le plus souvent pour 1901, c'est une moyenne de 426. Ouais. Donc c'est un record pour une saison qui tient encore à ce jour. C'est la guerre des chiffres, hein, parce que Claude Couture, qu'on entend aussi, était à 423, lui. Bon, on s'entend, c'était un sacré cogneur. Ah oui, absolument. Et c'était surtout un cogneur très régulier. Il va d'ailleurs aussi remporter le championnat de la moyenne comme frappeur en 1903 et en 1904 aussi dans la Ligue américaine. Donc, c'est un joueur qui va marquer les débuts du baseball comme sport professionnel, moderne et aussi comme divertissement de masse aux États-Unis. Maître de l'amorti aussi, dit-on. J'ai vu ça en préparant l'émission. Oui, et c'est une caractéristique qui est très dans le contexte de l'époque aussi. Le baseball des années 1900-1920, on parle de la dead ball era, donc l'ère de la balle morte. C'est une période où le jeu était plus défensif. On se concentrait beaucoup plus sur le jeu à l'intérieur du losange, donc à l'intérieur des buts, contrairement à ce qui va arriver à partir de la fin des années 10, début des années 20, avec la grande période de Babe Ruth, et qu'on va se concentrer un peu plus sur les frappeurs de puissance, sur le jeu dans les champs aussi, on fait éclater le jeu. Ben, vous parlez de Babe Ruth, c'est intéressant parce que Napoléon Lajoie, vraiment, ça a été la première grande vedette du baseball majeur, l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Et pourtant, on a à peu près oublié son nom. En tout cas, on ne se souvient pas de lui ou à peine quand on le compare à justement Babe Ruth ou même à un Ty Cobb. Pourquoi il est passé à l'oubli? Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier ça, notamment la période pendant laquelle il a évolué. Justement, c'est une période moins spectaculaire de l'histoire du baseball. À partir du moment où on tombe dans des courses au plus grand nombre de coups de circuit dans les années 20, on passe, juste pour donner un petit élément de comparaison, en 1901, quand Napoléon Lajoie a remporté son titre de meilleur frappeur, il a aussi remporté la triple couronne. Donc, celui qui a eu la meilleure moyenne, le plus grand nombre de coups de circuit et le plus grand nombre de points produits. Et son nombre de coups de circuit pour remporter le championnat, c'était époque-là, c'est 14. Les premières, la première grande année de Babe Ruth, c'est 29, puis il va se rendre jusqu'à 60 coups de circuit dans les années 20. Ouais. Donc, on voit, il y a quelque chose de l'ordre du spectaculaire et, bien entendu, il y a quelque chose de l'ordre médiatique dans la mesure où, à partir des années 20, on va se mettre à diffuser le baseball à la radio. Ça va contribuer aussi à répandre la bonne nouvelle, si on veut, de ce sport-là à travers l'Amérique du Nord. Alors que, bien entendu, oui, il y a une grande couverture médiatique dans les journaux à l'époque de Napoléon Lajoie, mais c'est pas comparable tout à fait. Ça reste un petit peu cette époque de Napoléon Lajoie, entre guillemets, la préhistoire du baseball majeur aux États-Unis. Parlons un petit peu de ses origines. Il est franco-américain, Napoléon Lajoie. Puis son histoire personnelle, c'est l'histoire de bon nombre de Québécois, de Canadiens français qui partent vers les États-Unis. C'est très exemplaire, en effet. Il naît le 5 septembre 1874 à Woonsocket, au Rhode Island, qui est à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, est une des plus grandes communautés franco-américaines de la Nouvelle-Angleterre. Autour de 1900, on parle d'à peu près 60 % de la population de la ville qui est d'origine canadienne-française. Ses parents, ce qui rend ça représentatif aussi, c'est que ses parents, Jean-Baptiste Lajoie et Célina Guertin, vont arriver d'abord au Vermont, un peu après la guerre de sécession, et ensuite vont se rendre vers le Rhode Island, vers le sud, un peu avant la panique économique de 73. Donc, c'est une des premières périodes d'exode massif vers les États-Unis. Ouais. Rien de comparable à ce qui se passe dans les années 1890-1890, mais tout de même, c'est un premier grand coup et très représentatif aussi, justement, des personnes qui traversent la frontière au début de façon assez limitrophe et ensuite qui vont vers les villes industrielles un peu plus au sud. Donc, comme beaucoup de jeunes franco-américains aussi, il ne va pas aller à l'école très longtemps. Il aura abandonné l'école vers 11 ans pour travailler, comme beaucoup d'autres de ses contemporains, dans les usines de textiles et plus tard, un petit peu à l'adolescence, comme son père, comme chauffeur de carriole, comme routier. Le baseball, à ce moment-là, commence à s'établir. Ouais. Pour mettre des dates qui peuvent aider les auditeurs, il naît en 1974 et le baseball professionnel moderne, si on veut, commence en 1876 avec la création de la Ligue nationale. Donc, il naît un petit peu avec le baseball et ça devient très rapidement très populaire chez les jeunes dans les différentes communautés, notamment dans les communautés ethniques. Mais paraîtrait-il que ses parents n'appréciaient pas du tout qu'il pratiquait le baseball et qu'il utilisait le nom de Sandy dans ses équipes de baseball pour ne pas se faire retracer par sa famille. Mais ce contexte-là, il est intéressant. Le contexte du baseball qui est en train aux États-Unis à ce moment-là, dans ces années-là, ce sport-là est en train de s'imposer comme le grand sport national des Américains. Il y a ça d'une part, puis il y a ce que le baseball représente pour les Franco-Américains. Je vous propose d'écouter un extrait parce que à la même période, chez nous, on joue très, très peu au baseball. On connaît très, très peu le baseball. Et vous allez voir, en écoutant l'animateur Jean-Marc Paradis, que c'est beaucoup par les Franco-Américains qui viennent étudier ici qu'on va commencer chez nous à nous intéresser au baseball. Jean-Marc Paradis à l'émission L'Aventure en 1992. Mais dans le cas de Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières, ces deux collèges accueillent une très large quantité de Franco-Américains. Or, à Trois-Rivières, tout comme à Saint-Hyacinthe, ce sont les Franco-Américains, étudiants au séminaire local, qui amènent avec eux leur sport, leur discipline. Alors, il se trouve qu'à Trois-Rivières, il y aura un nommé Arthur Gélinas, qui va devenir plus tard médecin et qui vient de Marlborough, Massachusetts, qui va partir des cours de baseball. L'intention de ses collègues du séminaire, collègues pensionnaires du séminaire de Trois-Rivières, et c'est véritablement à lui qu'on doit l'attribution de la fondation du baseball à Trois-Rivières. À Saint-Hyacinthe, je n'ai pas le nom de la personne qui, d'une façon aussi directe qu'Arthur Gélinas à Trois-Rivières, a fait cette fondation, mais on sait très bien que ce sont des Franco-Américains. Alors, ce sont des gens très importants qui ont joué un rôle majeur dans la fondation et l'implantation d'une nouvelle discipline. Avec ce qu'on vient d'entendre, on comprend bien, Pierre Lavoie, qu'aux États-Unis, vraiment, ce sport-là est en pleine explosion dans les années où Napoléon Lajoie commence lui-même à s'intéresser au baseball. De fait, comment il en vient à pratiquer ce sport-là? Bien, ce serait justement dans la ville de Woonsocket, au début un peu comme un divertissement de cours d'école, entre guillemets, même s'il n'allait plus nécessairement à l'école. Mais assez rapidement, il va développer un grand talent pour le sport, puis il va être intégré dans des équipes semi-professionnelles ou des équipes amateurs locales. Et il va développer une sorte de réputation, si on veut, au niveau local. Et il va finalement, en 1896, commencer sa carrière dans les ligues mineures à Fall River, qui est un autre centre dans le Massachusetts, un autre centre franco-américain très important de l'époque. Et c'est là où tout va commencer d'un point de vue professionnel. Mais avant ça, on peut dire donc que c'était pour lui une très grande passion, mais je ne pense pas au départ qu'il voyait ça comme un métier. Je ne pense pas qu'à cette époque-là, c'était encore quelque chose que les gens pouvaient entrevoir comme un métier. C'est vraiment dans les mineurs qu'il a compris ce que ça pouvait lui apporter. Il gagnait environ 7 $ par semaine quand il travaillait comme routier. Et là, il en gagnait 25 $ par semaine comme joueur de baseball. Donc, juste ça, c'est un argument suffisant, si on veut, pour l'encourager à continuer. Ouais. Et d'un point de vue ethno-culturel, si on veut, le contexte dans lequel il a fait ça, c'est un contexte où les familles franco-américaines ou canadiennes-françaises aux États-Unis sont partagées entre le besoin identitaire d'une certaine survivance, donc de préserver leur caractère culturel canadien-français aux États-Unis, mais aussi le besoin de s'intégrer. Donc, on sent que assez rapidement, les franco-américains, il y a d'ailleurs aussi une autre grande vedette, Léo Durocher, qui va émerger des communautés franco-américaines. Rapidement, ils deviennent des grands joueurs de baseball parce que ça leur permet de s'intégrer aussi. Ouais. Donc, ils n'auraient pas joué dans des ligues franco-américaines ou dans des ligues strictement francophones. Ils jouaient avec les gens de Woonsocket, avec les gens de la Nouvelle-Angleterre. Philadelphie, c'est là où il va commencer en 1896. Vous parliez d'un premier contrat important pour lui dans les mineurs, mais la première équipe dans les majeures avec laquelle jouera Napoléon Lajoie, c'est les Phillies de Philadelphie. Oui, il va se faire acheter. On va acheter son contrat des ligues mineures, le propriétaire des Phillies de Philadelphie en 1896. Donc, l'amène dans la Ligue nationale de baseball. Et assez rapidement, il ne va pas gagner les championnats des premières saisons qu'il va disputer, mais très rapidement, ça devient un joueur indispensable pour l'équipe. Sa qualité de frappeur va attirer les foules, va attirer de plus en plus de gens dans les estrades. Et au moment où le baseball majeur vit un grand tournant, donc en 1901, quand Ben Johnson lance la Ligue américaine, donc qui est une ligue concurrente qui s'autoproclame Ligue majeure aussi, ben Napoléon Lajoie va aller tenter sa chance du côté de la Ligue américaine pour des questions salariales notamment. Et c'est comme ça, dans le fond, qu'il va commencer sa première grande saison légendaire. Ça, c'est l'explosion. 1901, là, parlez-nous-en en chiffres, mais c'est une grande, grande saison. Pour revenir sur les statistiques, donc il va remporter la triple couronne, le plus grand nombre de circuits, le plus grand nombre de points produits, le plus grand nombre de coups sûrs. C'est le joueur qui va dominer la saison. Son équipe ne remporte pas le championnat, mais le record notamment de la moyenne pour la saison perdure jusqu'à aujourd'hui dans la Ligue américaine. C'est du jamais vu. Il y a quelques moyennes qui l'ont dépassé dans la Ligue nationale, au tout début de la Ligue nationale dans les années 1870, mais sinon, c'est tout à fait exceptionnel. Sa moyenne comme frappeur. Sa moyenne comme frappeur, oui. Ouais. Ça n'empêche pas que, même si il connaît ce succès immense lors de la saison de 1901 avec les Athletics de Philadelphie. En 1902, l'année suivante, les Athletics l'envoient, l'échange en fait, envoie Lajoie à Cleveland. Pourquoi se défend-il de ce si brillant joueur? Bien, on se doute bien que ça crée certaines frictions, qu'il y a une nouvelle ligue qui s'installe comme ça. Et la Ligue nationale ou des représentants de la Ligue nationale vont intenter certaines poursuites contre la Ligue américaine. Et en 1902, donc, ils réussissent pas à faire une réglementation qui pourrait s'appliquer à l'ensemble de la nation, mais en Pennsylvanie, il y a des arrêts qui sont faits à la cour qui font en sorte que le propriétaire des Athletics ne peut pas faire jouer Napoléon Lajoie, ne peut pas est aux prises avec des conflits judiciaires qui l'empêchent de former son équipe. Parce qu'on lui reprochait, il faut bien le dire, quand il quitte les Phillies pour aller rejoindre les Athletics et qu'il change de ligue, c'est là où ça commence, les procédures commencent à ce moment-là. Les Phillies disent tu peux pas comme ça partir pour l'autre ligue. Voilà, et à partir de ce moment-là, donc, il n'y a plus vraiment de choix que de l'échanger pour pouvoir obtenir quelque chose en échange. Et c'est à ce moment-là qu'il va être échangé aux Broncos de Cleveland, où il va faire sa première saison en 1902-1903. Tout de suite, c'est la plus grande vedette de l'équipe. C'est la plus grande vedette de la Ligue. On l'adore. On va même renommer l'équipe les Naps, donc les Napoléons. Incroyable. Oui, c'est totalement incroyable. Et ça montre bien le statut de vedette qu'il a déjà à ce moment-là. Et il va devenir le visage de la franchise, comme on dit en sport. Et il va notamment devenir gérant de l'équipe aussi. Donc, joueur gérant à partir de 1904, donc à sa deuxième année. C'est un titre qu'il va conserver jusqu'en 1909. Il ne conserve pas jusqu'à la fin de sa carrière. C'est lui-même qui décide d'abandonner donner le titre de gérant parce qu'il considère que ça nuit à ses performances comme joueur. Ouais. Et ce grand joueur, qu'est Napoléon Lajoie, évidemment, les amateurs de baseball au pays le suivent de près. Et au moment où il y a cet échange, où il doit quitter Philadelphie pour Cleveland, il y a des gens à Montréal qui se mettent à rêver de... Les Royaux de Montréal, en fait, se mettent à rêver d'une possible arrivée de Lajoie à Montréal. Ça n'arrivera pas. Mais profitons-en quand même pour parler un petit peu du rapport que vont entretenir les amateurs de baseball du pays avec Napoléon Lajoie. Bien, un peu de la même façon que ce qui se produit dans les communautés franco-américaines. C'est une relation relativement ambivalente dans la mesure où, justement, au tournant du 20e siècle, on est dans une période d'explosion des sentiments nationalistes et le baseball est utilisé aux États-Unis comme étant un véhicule d'américanisme, un véhicule d'identité. Donc, bien entendu qu'il y a certaines réticences du côté canadien-français. Par contre, assez rapidement, on se rend compte que le fait d'avoir une vedette canadienne-française aide beaucoup à ce qu'on on le dépeigne de façon positive dans les médias. Ce que j'ai réussi à trouver, c'est surtout dans les années 10, dans Le Devoir, notamment, Le Devoir qui est pourtant un organe médiatique nationaliste, ouais. Surtout à cette époque-là. Et on va parler de lui presque comme un héros canadien-français. On va dire de lui que c'est probablement le plus grand joueur de balle au camp que le Canada français n'ait jamais connu, même s'il l'a, bien entendu, jamais vécu à Montréal ou au Canada. Donc, assez rapidement, il va contribuer à ouvrir un petit peu l'esprit de certains critiques nationalistes à la question du baseball, puisqu'il est d'origine canadienne-française. Ça, c'est intéressant. Il y a vraiment les deux perspectives. Pour certains, traître, c'est trop fort, mais en tout cas, quelqu'un qui s'intègre au point de s'assimiler, entre guillemets, à la nation américaine, avec tout ce que ça veut dire comme menace à ce moment-là. Et puis pour les autres, c'est le héros national qui brille dans ce sport qui est le sport des États-Unis. Mais c'est assez exemplaire de toute l'histoire culturelle franco-américaine dans la mesure où lorsque ça va plutôt mal, quand il y a beaucoup de gens qui partent et tout, dans les médias, les intellectuels au Canada français, on va beaucoup parler justement de traîtres, de personnes qui quittent la mère patrie et compagnie. Quand des personnes, au contraire, finissent par s'illustrer aux États-Unis, ouais. En général, on les utilise comme des représentants ouais. De... À l'époque, on va utiliser le terme race ou des représentants de la nation canadienne-française. Ouais. On écoute à nouveau Victor Lévy-Beaulieu qu'on écoutait au tout début de l'émission, extrait de l'émission La vie quotidienne en 1977. Il va nous parler, justement, il revient sur cette popularité de Napoléon Lajoie au Québec et au Canada anglais, mais il va aussi nous parler d'une saison particulière où vraiment les journaux sont très effervescents, la saison 1910. Et en fait, si on parle tant de cette saison, c'est que cette année-là, il y a un grand rival qui commence à porter sérieusement ombrage à Napoléon Lajoie, Ty Cobb. Il était populaire en particulier une saison en particulier où Ty Cobb et lui se sont disputés le championnat des compteurs. Maintenant, il y a eu une chronique écrite dans un journal d'ici, un envoyé là, qui couvrait le baseball de la presse. Je vais vous lire le petit extrait que j'ai rapaillé, qui est assez intéressant. Je vous fais grâce du français dans lequel c'est écrit. On n'avait pas encore eu la charte de la langue à cette époque-là. Voici ce que le chroniqueur de la presse écrit. Il dit « Ty Cobb était détesté et hué des spectateurs. Lajoie en était aimé et acclamé. Les spectateurs sifflaient Cobb avec des boues très expressifs et criaient de joie lorsque le Big Frenchman prenait le bâton. On voulait que le Big Frenchman surpasse le Georgia Peach, comme était désigné Cobb. Durant cette mémorable saison, sans doute animée par l'enthousiasme des spectateurs, Lajoie calme, semblant toujours indifférent, se surpassa. Son bâton ne manqua pas une seule des 9 balles qui lui furent lancées. Le délire fut général par tout le stade, et cette saison est demeurée une des plus mémorables dans toutes les annales du baseball américain, due à la grande maîtrise de Napoléon Lajoie, non seulement maître de son art, mais aussi de ses sentiments humains. » Et puis, pour ajouter encore à ça, il faut dire que Lajoie a été le seul joueur de baseball d'origine canadienne-française à être élu au Temple de la Renommée aux États-Unis, au Temple du baseball, le beau grand musée avec tous les noms puis les battes de baseball et puis tout ça. Il était le seul à être élu là. Ça s'est fait en 1937, alors que Lajoie vivait encore, mais retraité comme beaucoup de Québécois en Floride. Alors revenons sur cette fameuse rivalité entre Napoléon Lajoie et Ty Cobb lors de cette fameuse saison de 1910, Pierre Lavoie. Il faut dire à l'époque, Lajoie vraiment, le rappeler, c'est une immense vedette. Il a remporté à Cleveland le championnat des frappeurs 5 fois dans ces années-là. Mais donc arrive cette étoile montante, Ty Cobb, qui lui porte ombrage tout à coup et ça va se cristalliser lors de la saison 1910. C'est le championnat des compteurs. Parlez-moi de cette rivalité-là. qui va faire histoire. La rivalité, elle, commence dès l'entrée dans les ligues majeures de Ty Cobb en 1905. C'est un prodige. Techniquement, c'est un joueur de baseball exemplaire. Par contre, comme le mentionnait, on le mentionnait dans l'extrait juste avant, c'est pas un joueur qui était très charismatique. Mm-hmm. C'est pas un joueur qui était très apprécié de ses pairs, notamment du public aussi, mais aussi de ses pairs. Contrairement à Lajoie, qui était considéré comme un grand coéquipier, comme un joueur très mesuré, très posé, qui était capable, comme on l'entendait dans l'extrait, de bien contrôler ses émotions et tout. Et par contre, de 1905 à 1910, Ty Cobb domine Napoléon Lajoie d'un point de vue statistique, ouais. Pour la question de la moyenne au bâton et tout. Quand, en 1909, Napoléon Lajoie décide de laisser de côté son statut de gérant des Naps de Cleveland, c'est notamment pour retourner un petit peu plus se concentrer ouais. au baseball. Et 1910, c'est la saison, justement, où c'est son retour à la gloire, si on veut. Et son dernier grand retour à la ouais. gloire, parce qu'après ça, lui, il commence à être un petit peu plus vieux. Ty Cobb est dans son élan, il continue à grandir. Et donc, en 1910, ce qui va commencer à mousser la rivalité encore plus entre les deux, c'est qu'il y a un constructeur automobile, Hugh Chalmers, de la Chalmers Auto Company, qui va lancer un concours. Qui va lancer le concours de donner un roadster, de donner une automobile aux gagnants du championnat de la moyenne au bâton de cette année-là. Et là, ça va attirer l'attention des médias, des partisans et tout. On peut même dire que cette saison-là va avoir joué beaucoup dans la fascination qui se développe pour les statistiques au baseball. Ouais. Les gens se mettent à suivre au jour le jour les statistiques au bâton des deux joueurs pour voir qui est en train de remporter, qui est en tête. Et à la fin de cette saison-là, Ty Cobb va décider, puisqu'il est assez satisfait de sa moyenne de 385, il va décider de se retirer des deux derniers matchs de la saison qui jouaient contre les White Sox de Chicago, tandis que les Naps, eux, affrontent les Browns de Saint-Louis. Et c'est là qu'il va y avoir un scandale qui va éclater, parce que pendant la dernière partie, comme on l'entendait dans l'extrait, Lajoie va avoir une partie parfaite, une partie de 1000, si on veut, et donc ça va faire monter sa moyenne à 384. Donc, on est très, très, très, très près du résultat de Ty Cobb. Et la controverse vient du fait que, à cause que les gens n'aimaient pas Ty Cobb, le gérant des Browns, Jack O'Connor, aurait ordonné à la recrue au troisième but de jouer très retiré, donc de jouer vers le champ extérieur, ce qui aurait permis à Napoléon Lajoie de faire autant d'amortis dans le losange pendant cette partie-là. Il y aurait eu aussi une tentative de soudoyer le juge au premier but pour convertir une erreur en coup sûr. Donc, quand le président de la Ligue américaine, Dan Johnson, est mis au courant de tout ça, premièrement, il va demander à ce qu'on bannisse le gérant et l'entraîneur des Browns. Et il va tout de suite proclamer Cobb le champion de la saison. Mais ça va créer un tollé populaire parce que les gens, justement, appréciaient beaucoup plus Napoléon Lajoie. Et pour créer une sorte de compromis, on va demander à Hugh Chalmers de la Chalmers Auto Company de donner un véhicule aux deux hommes pour essayer de montrer l'apparence d'une nulle, si on veut, entre les deux. Mais techniquement, à une décimale près, c'est Ty Cobb qui est le vrai champion, on peut dire ça, cette année-là? Il y aurait eu, en 1981, Peter Palmer, dans le Sporting News, a fait un recalcul des statistiques de cette saison-là. Et il y aurait eu une partie de Ty Cobb qui aurait été comptée en double. Ah bon? Ce qui ferait en sorte que sa moyenne aurait été de 383. Donc, c'est un débat qui ne se termine pas encore à ce jour. Par contre, la plupart des historiens du sport s'entendent pour dire que la façon de marquer les matchs à cette époque-là était moins cohérente, était un peu plus incongrue. Il y avait moins de continuité. Donc, c'est assez dur de dire qui est le réel champion. Pierre Lavoie, doctorant en histoire à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.